Merci Seigneur de ce temps que tu nous donnes. Merci d'avoir entendu ce qu'on a entendu déjà ce matin, les chants, les partages, la réunion de femmes. Merci pour toutes ces activités. Non pas qu'on veut juste faire des activités, mais au travers de ces activités, on te connaît. On apprend à voir qui tu es, Seigneur. Merci beaucoup. Puis merci pour Patrick ce matin, pour le camp des boulots aussi. On veut te prier pour la maman de Justin. Seigneur, 86 ans, alors elle est sous un tank d'oxygène, que tu puisses vraiment mettre ta main, que tu puisses lui donner la grâce de survivre à ce point-ci. Alors, on te la remet, puis on te remet aussi le message que nous allons entendre ce matin. Seigneur, que tout cela est pour glorifier ton nom. Merci. Amen. Amen. Alors, pour ceux qui sont avec nous, pour ceux qui suivent, on va tourner avec nous dans quel livre qu'on fait, c'est ainsi? Tite. Alors, si vous voulez tourner avec moi dans Tite ce matin, vous avez dit, c'était très intéressant, c'est une belle expérience qu'on vit à l'Église depuis quelques semaines, de pouvoir prendre un livre, puis qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est plusieurs qui ont enseigné. Et ça, je pense, c'est intéressant aussi. Alors, Tite, comme vous pouvez voir, il y a un fil conducteur dans le livre de Tite. C'est la façon ou la manière de faire rayonner ou d'honorer la doctrine de notre Sauveur dans l'île de Crète. OK? L'île de Crète dans un monde déchu. Afin de faire rayonner la doctrine de notre Seigneur sur l'île. Puis quand je parle d'une île, là, peut-être qu'on pense que c'est une petite île. Mais l'île de Crète, là, parce que je me suis posé la question, il dit, regardez si vous revenez à 1, chapitre 1, verset 5, il dit, « Paul, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » Je me suis dit, ça doit être une grande île. Et justement, c'est une grande île. L'île de Crète, elle a 256 kilomètres de long. Alors, si vous pouvez vous imaginer, c'est Montréal-Québec à peu près. Alors, vous voyez, et 56 kilomètres de large. Alors, il devait avoir plusieurs villes sur cette île-là. C'est important de réaliser cela. Alors, on peut voir que juste ce qu'on vient de lire, c'est que Paul a dit à Tite, tu vas finir de régler les choses, ou c'est que tu achèves l'organisation de l'Église dans chaque ville. Premièrement, tu dois quoi? Mettre le leadership. Deuxièmement, c'est de fermer la bouche aux rebelles, aux irreligieux. Et troisièmement, ce matin, on va voir, c'est d'encourager maintenant les gens à l'intérieur de l'Église. L'Église qui est composée de gens, puis il les a divisés en catégories. Ces catégories-là sont les hommes âgés, les femmes âgées, les jeunes femmes, les jeunes hommes et les esclaves. On a 5 catégories sociales de gens dans l'Église. Et puis, à partir de là, il va nous donner des consignes, des instructions. Alors, ce matin, on va voir 5 exhortations concernant la conduite des gens dans l'Église et surtout dans leur vie. Première exhortation, qui est très intéressante, si vous êtes au chapitre 2, le verset 10, pas le verset 10, mais le verset 1 et 2. « Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnête, modéré, saint dans la foi, dans la charité et dans la patience. » Alors, c'est le premier groupe de personnes qu'on donne les instructions, qu'on exhorte les gens. Puis là, je me suis posé la question ce matin, c'est qui ça les vieillards? Je me suis dit, les vieillards, j'ai essayé de trouver quelque chose qui pourrait, parce que chacun de nous ce matin, là, on va avoir des applications. Là. Fait que toi, si tu es un jeune, tu ne veux pas avoir l'exhortation des vieillards. C'est bien normal. Alors, j'ai essayé de chercher c'était quoi les vieillards dans le temps de l'apôtre Paul. C'était difficile à trouver. On sait que les gens ne vivaient pas tellement longtemps parce que la vie était dure. OK? Puis ça dépend de la culture aussi. Si vous allez dans certaines cultures, quand le gars il a 50 ans, c'est un vieillard. OK? Parce que la difficulté, les épreuves qu'il a, il vieillit plus vite que les autres. C'est important de réaliser cela. Alors, je me suis dit, si je ne le trouve pas dans le temps de Paul, pourquoi je ne le trouverais pas dans notre temps, nous? Parce que c'est nous qui sommes ici ce matin. OK? Alors, Aujourd'hui, selon l'Organisation mondiale de la santé, okay, parce que si vous voulez avoir les bonnes exhortations, il faut savoir où est-ce que vous êtes là-dedans ce matin. Alors, il semblerait qu'il y a 3 étapes de la vieillesse. Parce que là, je me suis demandé, moi, je suis un vieillard? T'sais, parce qu'il dit, dis aux vieillards. T'sais? Puis c'est le même principe avec les madames. Est-ce que c'est des vieillardes? Bon, on n'utilise pas ce mot-là souvent, OK? Mais on va dire des vieilles femmes, OK, généralement. Alors, l'Organisation mondiale va nous aider ce matin. OK? Si vous avez entre 60 et 75, vous êtes un jeune senior. Je trouvais ça intéressant. Hein? Vous êtes un jeune vieux, c'est ça que ça veut dire. Vous êtes au début de la vieillesse. Si vous avez 75 à 90, là, vous êtes un senior. C'est ce que l'Organisation mondiale nous dit. Puis là, écoutez-moi bien, si vous avez 90 et plus, ils appellent ça une vieillesse tardive, OK? Vous êtes en retard. C'est ça que ça veut dire. Vous êtes en retard. Alors, c'est une vieillesse, la longévité du 4e âge qu'ils appellent. Mais dans tout ce que j'ai regardé puis tout ce qu'ils ont fait, généralement, pour les vieillards, ben là, je ne veux pas blesser personne, là. OK? Je le comprends, tu sais, vieillards. On ne se voit jamais vieux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Marie, elle a pris soin d'un couple de 90 et plus. Le monsieur et madame avaient 90 et plus. On ne se voit pas. Fait qu'ils prenaient leur marche le jour, puis Marie les accompagnait. Puis le monsieur, il avait 92, il commençait à avoir le dos rond un peu, hein? 92, là, fait que là, la madame la regardait, elle dit, « Hey, redresse-toi le dos, t'as l'air d'un vieillard! Hey, t'as 92, c'est quand tu vas être vieillard? C'est-tu quand tu vas avoir 100 ans? T'sais? Hey, écoute, là, hey, 92, puis mets ton doigt droit parce que t'as l'air d'un vieillard. Hey, c'est quelque chose. » Généralement, après tous les sondages, les études, on peut dire que le vieillard, ben, je ne veux pas blesser personne, OK? Mais généralement, on commence à dire qu'on commence à être vieux. Les gens voient ça à 69 ans. C'est ça que j'ai trouvé, OK? Alors, moi, je serais très heureux. Je vais avoir juste 65, alors je suis très content. Alors, qu'est-ce qui est important? Alors, autant hommes et femmes, je dirais que si vous avez 60 et plus, ce matin, c'est à vous que je veux parler. C'est Paul qui parle, à titre qui dit, voici ce que ces gens-là devraient être. Alors, les vieillards, premièrement, ils doivent être sobres. Okay? La sobriété, ce que vous dites, la tempérance. C'est de ne pas être dépendant, soit de l'alcool, soit des aliments, soit des médicaments. C'est la dépendance. Okay? Être sobre au niveau de la tempérance. Excusez. Deuxièmement, être honnête. Ce qui veut dire être droit, intègre. Okay? Quand tu dis quelque chose, il faut que ça arrive. Et modéré, c'est de gérer nos impulsions. Moi, ce que j'apprécie, là, ce qui va me rester de ce message-là, modéré, c'est ce qui veut dire maîtrise de soi. Celui qui a 60 ans et plus devra avoir la maîtrise de lui-même. Okay? Alors, parce qu'on a encore des impulsions. Alors, la parole de Dieu nous encourage à vraiment être capable de gérer qui nous sommes. Maintenant, je résume ces critères. Aux hommes les plus âgés, Tite doit enseigner que leur vie doit manifester la tempérance, être digne de respect et avoir une bonne maîtrise de soi en pensée ou en action. C'est important de réaliser ça. Alors, c'est ça qu'on s'attend de ces gens-là. Si vous êtes capable de vous identifier aux hommes âgés ou vieillards. Maintenant, de plus, ils doivent être en santé spirituelle dans 3 vertus que Tite veut leur donner par l'entremise de Paul. C'est qu'ils doivent être saints dans la foi, dans la charité et dans la patience. Autrement dit, dans ces 3 domaines-là, il faut qu'ils soient en santé spirituelle. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Les plus vieux devraient être en santé spirituelle, dans la foi, dans l'amour, et dans la patience. S'il y a des gens qui devraient être patients à l'Église, c'est les plus âgés. OK? C'est les plus âgés qui devraient être patients. Alors, la foi, c'est-à-dire qu'il connaît bien les doctrines. C'est ça que ça veut dire. Il connaît bien sa Bible. Il devrait être capable d'échanger. Deuxièmement, l'amour, c'est le devoir chrétien. OK? Ça devrait émaner de ce qu'on est. Hier, j'ai eu un beau compliment parce qu'hier, il y avait un baptême ici d'une église qui avait loué le local puis le baptistère. En passant, les gens, quand ils viennent ici puis ils voient notre baptistère, là, ils sont impressionnés. Je ne sais pas si vous avez déjà vu notre baptistère, là, mais c'est même pas un bain, c'est une piscine. Okay? C'est en arrière. Là. Ah, il y a de l'eau là-dedans, mon ami, c'est incroyable! Et puis, les gens m'ont reconnu, disaient, « Hey, merci parce que tu nous aides, tu prends soin. » Je dis ça de même, juste pour vous dire, les gens ont besoin de voir ça chez soi et chez nous. Il faut qu'ils voient ces choses-là. Les vertus, la foi, l'amour et vraiment la patience. La patience ici, c'est surtout dans l'attente du retour du Seigneur. Lorsque j'ai regardé, j'ai lu, « Alors, les plus vieux devraient être patients. » Puis dire, « On attend le Seigneur. » Ces vertus que je viens de vous mentionner devraient être cultivées par tous les chrétiens. Okay? Là, ce qu'on voit, c'est dirigé vers un type ou un groupe de personnes, mais ça devrait être manifesté chez tout chrétien. Ces hommes sont considérés comme des modèles, des personnes d'expérience que l'on consulte et qui contribuent à la santé et au bon ordre de l'Église. Ça devrait être des gens qui sont capables de bien gérer le bon ordre de l'Église. Ainsi qu'ils détiennent, ces gens-là, là, les plus vieux, qui détiennent un poste ou pas, ce sont des modèles. C'est ce que vous allez voir, hommes âgés ou femmes âgées, ça termine qu'on est, les plus vieux, on est des modèles. Lorsqu'ils nous regardent, ça doit les encourager dans leur vie chrétienne. J'ai été très impressionné un jour, au travers de toutes mes visites d'église, tout ça, je suis arrivé un dimanche matin dans une église, que l'homme qui a fait la célébration, qui a même enseigné, avait 80 ans. C'est quelque chose, là, de voir qu'il n'y a pas d'âge pour servir le Seigneur. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on fait moins que d'autres. C'est clair. Mais même si on est un homme âgé, on doit servir le Seigneur dans le contexte avec nos forces que Dieu nous a données. C'est important de réaliser cela. Aussi, les femmes âgées. Okay? Si vous remarquez au verset 3, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Dit que les femmes âgées, alors la deuxième exhortation concerne la conduite des femmes âgées. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner des bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Alors, c'est très intéressant de voir. Premièrement, titre demande aux femmes âgées d'être respectueuses dans leur attitude, ce qui veut dire, ce qui signifie littéralement, qui convient aux choses consacrées, autrement dit, d'avoir une conduite sainte. Les femmes âgées devraient avoir une conduite sainte qui représente la sainteté. Pas une conduite qui est parfaite, mais une conduite qui est sainte à ce moment-là. Non médisante. Vous savez, la médisance, c'est le plus vieux ancien outil de destruction de la langue. Ça, c'est vraiment là. C'est intéressant de voir que c'est aux personnes. Je me suis dit, pourquoi il ne dit pas aux hommes? Okay, je ne suis pas en train de dire que les hommes sont meilleurs, c'est pas ça que je dis là. Mais j'ai compris pourquoi il ne l'a pas dit aux jeunes femmes. Mais je crois que parce que c'est des femmes âgées, ils ont plus de temps peut-être en guillemets. Je suis venu à arriver à cette conclusion. Peut-être, là, puis regardez ce qu'il va dire aussi, elle ne doit pas être adonnée au vin. C'est intéressant, il ne dit pas ça au monsieur qui est âgé. C'est demandé, pourquoi il ne l'a pas dit au gars? Mais il va le dire aux anciens, OK? Il va le dire aux anciens, mais il ne dit pas aux personnes âgées. Alors, je suis en train de m'imaginer, tu sais, la madame est en train de repasser son linge, puis... Ah, du terre, on va prendre une petite coupe de vin en même temps. Hein? On ne sait pas. Mais le mot adonner, comme pour l'ancien, ça veut dire de rester près de la bouteille. C'est ça que ça veut dire. Quand tu es adonné, là, ça veut dire que tu es campé aux côtés de la bouteille. On n'est pas en train de dire, il n'est pas en train de dire ici que les madames ne peuvent pas prendre le vin ou de l'alcool, mais il est en train de dire tu ne dois pas rester, tu ne dois pas camper, tu ne dois pas demeurer près de la bouteille. Alors, c'est intéressant de voir cela. Aussi, Ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit aux femmes d'un certain âge, âgées, c'est d'enseigner les jeunes épouses. C'est intéressant. Ce n'est pas dit aux hommes, aux personnes âgées, mais je crois que ça fait partie quand même du principe. Mais ici, ce qu'il veut, c'est qu'il identifie des groupes, puis il leur donne des caractéristiques spéciales pour chacun d'eux. Intéressant. Mais je dirais que ce sont tous des caractéristiques que tout chrétien devrait avoir. OK? Dans ce sens-là. Alors, je résume dans ce sens que les dames devraient avoir un comportement qui reflète la sainteté. C'est sûr que c'est l'extérieur, comme avec un Pierre III. Et puis, il y a eu beaucoup de discussions sur le vêtement, exemple. Et puis, je ne prendrai pas tout le temps pour ça aujourd'hui. Mais le vêtement est un élément qui revient régulièrement pour les madames. OK? Pour démontrer notre sainteté. Puis, comme je dis souvent, la modération, on l'a vu, la maîtrise de soi, OK? Elle se manifeste de toutes sortes de façons. Puis, ce n'est pas parce que que les chrétiennes doivent faire exprès pour ne pas être bien habillées. Ça, j'ai vu ça, j'ai entendu ça, OK, de toutes les sortes. Mais l'extérieur démontre la sainteté. C'est ça que Paul est en train de dire à titre, dit aux vieilles, aux personnes, aux femmes âgées. Excusez-moi. Mais pas. Ouais, OK. C'est Huguette, là. C'est la faute à Huguette, là. Elle me check, là. Elle dit il va-tu dire femme âgée ou vieille femme, hein? C'est ça. C'est vrai, c'est ta fête. Je ne te demanderai pas ton âge. OK? Mais est-ce que vous voyez, c'est la sainteté, ça doit être démontré. Et surtout qu'on est dans un contexte de super sexualité, là, on n'en finit plus de ça. Okay? Mais en tant que chrétienne, je crois que devrait démontrer par l'extérieur, par le vêtement, par nos habits, la sainteté. Mais si ceci ne veut pas dire que tu dois être habillé en... Je ne veux pas blesser personne, non, mais tu sais... Ça ne veut pas dire là, que tu es toute défraîchie, tu es toute mal habillée. Ce n'est pas ça que c'est en train de dire. C'est en train de dire que tu es bien habillée. C'est ça. Puis la sainteté, Dieu, c'est beau aussi. Dieu est beau. Dieu aime les choses belles. Alors, puis tu sais, je parle aux hommes, là. OK? Faut prendre soin de nos femmes parce que le proverbe dit. Notre femme, c'est la gloire de l'homme. C'est pas beau, ça? Je le répète. OK, Denis. Notre femme, c'est la gloire de l'homme. C'est important. Écoutez-moi bien. Tu regardes ma femme, qu'est-ce qu'elle te communique sur Noël? C'est ça que ça veut dire. Tu vas voir les valeurs que j'ai. OK? C'est important de réaliser cela. Alors, il faut prendre bien soin de notre femme, dans ce sens-là. Juste pour répondre à mon cher Denis, c'est sûr que si ta femme ne veut pas, ben là, c'est toute une autre histoire. Hein? C'est tout. Là. Mais on parle du principe général. C'est important de réaliser cela. C'est bon? Alors, pour les dames âgées, ça va, Huguette? Alors, je résume pour la madame âgée. Leur sainteté de vie se démontre dans trois sphères particulières. Premièrement, sans médisance, sans être dépendant ou excès, et de bien prendre soin et d'avoir des relations avec les jeunes femmes. C'est important de réaliser cela. Puis, je suis beaucoup plus à l'aise aussi quand homme-femme. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rencontrer, mais si on veut faire des suivis à long terme, c'est toujours mieux homme-homme, femme-femme. OK? Dans ce sens-là, c'était important de réaliser cela. Maintenant, la troisième exhortation concernant la conduite des jeunes femmes. Okay, nous allons voir versets 4 et 5. Alors, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants et à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. C'est très intéressant ici, ça va être la première fois qu'on a une raison pourquoi. Les jeunes femmes doivent faire ceci. Alors, d'aimer leur mari et leurs enfants. Vous savez, quand on se marie, Il est clair que certains pensent que c'est la fin du mariage, mais c'est le début du mariage. On ne sait pas dans quoi qu'on s'en bat. On pense qu'on se connaît. On pense que l'amour va tout couvrir ça. Vous êtes d'accord avec ça? Je l'aime. Ouais, mais il va falloir que tu l'aimes plus que ça. Je peux te le dire. OK? Il va falloir que tu l'aimes plus que ça. Il va y arriver des moments là, que ça ne sera pas facile d'aimer. Soit un ou l'autre. Je me souviens, il y avait une jeune femme ou un jeune homme. C'était un homme qui avait beaucoup de difficultés avec sa jeune femme. Parce que quand elle se déshabillait pour aller au lit, elle faisait son chemin. Est-ce que vous comprenez? Elle sortait de la chambre de bain, tu avais les bas, les bas. Après ça, tu continuais, tu avais les bobettes. Après, tu avais ci, tu avais ça. Puis là, tu arrivais au lit. OK? Imaginez, lui, il était frustré de ça un jour ou l'autre. Ou vice-versa, ça arrive. Là, c'est là que l'amour vient important. C'est là que ton amour va t'éprouver. C'est là que ça se passe. Alors, des fois, on a besoin de conseils. On a besoin que quelqu'un nous encourage. C'est-tu normal, ça? C'est ça, c'est-tu normal? Regardez bien, il y en a toujours un qui veut se coucher de bonne heure, puis l'autre se couche tard. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Hein, moi, là, je connais ça, là. Hey, yeah, hein? Juste ça, on a besoin de conseils. C'est quoi qu'on fait? Comment on va y arriver? C'est pas facile. Les enfants, comment on prend soin des enfants? Chaque enfant vient, j'aimerais ça, que chaque enfant vienne avec son livre. Hein? Voici Samuel, il est comme ci, il est comme ça, il est comme ça. Non, non, il n'y a pas aucun enfant qui vient avec son livre. Alors, il faut prendre soin, il faut aimer. Alors, on a besoin des grands frères, des grandes sœurs pour nous aider. Encore une fois, il faut qu'elles soient modérées. Maîtrise de soi. C'est important. Être pur. Alors, c'est sûr que ça a l'idée de la chasteté, mais ce n'est pas l'idée de s'abstenir de la sexualité. Non, là, tu es marié, là. Hein? Généralement, quand on dit « t'es chaste », c'est parce que tu n'es pas marié encore. Hein? C'est ça qu'on dit. Mais ici, c'est plutôt d'être, les synonymes, c'est plutôt d'être vertueuse. C'est plutôt d'être sage, une femme sage. Alors, la chasteté, c'est plutôt de la sainteté de se garder pour son mari. Oui. Il y a deux choses qui sont très difficiles dans le mariage. C'est assez simple. Ça revient toujours là. L'argent et le sexe. Ça revient toujours là. Okay? C'est là que ça vient. Puis l'argent, ben, ça dépend de nos valeurs. Okay? Comment tu es élevé, puis toi tu es élevé. La sexualité, ben, ça, là, c'est comment tu l'as appris dans ta vie. Okay? Puis ça, c'est bien de valeur, là, mais on pense qu'on va gérer ça facilement, mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. L'argent chez les Morissettes, ça brûle dans leur poche. Vous comprenez l'expression quand ça brûle? On dépense. On ne regarde pas à la dépense. Marie, ma femme, elle a été élevée. Puis ça, j'apprécie ça d'elle. Quand elle a eu son premier 25 cents, il fallait en mettre 5 cents à la caisse populaire. Vous vous souvenez qu'à l'école, à la caisse populaire, on mettait les 5 cents? Fait que, hey, on s'est-tu pogné souvent là-dessus? Quand on s'est poigné. Puis je dois vous avouer, humblement, bien souvent, elle a eu raison. Elle a eu raison. Bien humblement. Maintenant, la sexualité, ça aussi, là, c'est pas facile à gérer. C'est pas facile. Fait que une jeune femme, comment elle va gérer ça, là? T'sais, l'homme, lui, il est activé par les yeux, généralement. OK? La femme, c'est pas comme ça. C'est plutôt dans la... Merci. On a un homme d'expérience avec nous. on a un homme d'expérience avec nous ce matin. Les madames, les autres, là, c'est l'action. Il faut que tu commences à 6 heures le matin, tu sais, pour arriver à 9 heures le soir ou 10 heures. OK? On s'entend. Hey, mais pour les gars, là, ça prend du temps à prendre ça. Ça prend du temps. Tu sais, ça se fait pas du jour au lendemain, ça prend du temps. Et qu'on trouve que c'est lent. C'est lent. On va-tu y arriver? Alors, on a besoin de femmes plus matures, des femmes âgées, puis dire aux jeunes, dire, regarde, voici comment gérer ça. OK, il faut que tu prennes ton temps. Pas facile. Alors, c'est pas évident. Mais Quand moi j'ai fait des cours de préparation mariage, qu'est-ce qui est difficile dans les cours de préparation mariage? Les gens sont trop pris émotivement. Puis quand tu leur dis des choses, ils ne t'écoutent pas. OK? Ils ne t'écoutent pas. Ils sont déjà trop pris émotivement. Fait que tu le vois, là, il y a des étoiles dans les yeux, le gars, pour la fille. Fait que tu as bien beau dire, gars, ça va arriver. Il n'est pas là! Il n'est pas là! Hein? Puis des fois, je fais rire les gens un peu, là. Tu sais, je dis, tu sais, la sexualité, il faut en parler, là. Tu sais, tu serais mieux de... Mais il faut être prudent quand même. Tu n'es pas encore marié, là, prends ton temps. Il faut parler de ça. Tu sais, il faut t'en parler, là, que toi, t'aspires peut-être. J'aime ça parler des vraies choses, là. Peut-être que toi, t'aspires aux menottes, là, tu sais, je veux dire, le fouet, puis, tu sais, là. Faudrait que tu en parles de ça un jour ou l'autre, là. Hein? Tu sais? Ce que je vous dis là, j'essaie de vous faire rire parce que c'est vrai que c'est drôle, mais c'est pas drôle quand ça arrive. Puis ce qui est plate, là, le sexe, là, c'est pas gros dans le mariage. C'est 3% dans le mariage. Mais quand tu l'as pas, ça devient 97%. C'est ça le point. Ça devient tellement intense que là la bagarre pointe. OK? Puis, là, peut-être c'est... Alors, l'argent et la sexualité. Alors, on a besoin. Je suis pas à l'aise quand si une jeune femme vient me voir, « Well, toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Tu pourrais... » Je vais dire, « Regarde, parle-en avec ma femme. » OK? Parce que là, on commence à être dans le... C'est dans le sujet, là. Tu sais, puis... Il faut être très prudent avec ça, dans ce sens-là. Alors ça, c'est le travail de nos sœurs plus âgées, de pouvoir éduquer, encourager, instruire nos jeunes mariés. Alors, elle doit être bonne, c'est de faire le bien, puis d'être bénéfique aussi pour les autres, soumise à son mari, parce qu'il faut se souvenir dans le contexte, là, une femme indisciplinée, ce n'était pas un bon témoignage pour... les chrétiens, les non-chrétiens de l'île de Crète. La raison, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. C'est quand même quelque chose, là, de pas que la parole de Dieu ne soit blasphémée en Crète. C'est qu'afin que personne n'insulte la parole de Dieu ou de dénigrer la parole de Dieu, blâmer celle-ci. Vous savez, au temps de Paul, là, au temps des Romains, là, une femme puis les enfants, les femmes ou les enfants, c'était rien. Il tuait ça, puis il dormait bien le soir. C'était des meubles. Le christianisme a changé, a donné une valeur humaine aux enfants et aux femmes. Parce que c'était les hommes qui étaient importants chez les Romains, au temps des Romains. Alors, dans ce sens-là, l'effet qu'une femme pouvait être soumise, puis la soumission, encore une fois. Vous savez, quand on fait les mariages, là, OK? Quand tu fais des mariages avec des non-chrétiens, des gens qui ne connaissent pas la Bible, puis là, tu es dans une église ou ici ailleurs, ben moi, j'ai fait des mariages, puis là, tu parles à la mariée, tu dis, tu vas être soumis à ton mari, une chance qu'il y ait des gens qui n'ont pas de gun, là, parce que tu serais mort. J'ai vu réagir, là, se lever direct sur le siège. Pourquoi? Parce qu'on a mal utilisé ce mot-là. On l'a utilisé pour gérer des femmes, pour contrôler les femmes. Mais non, la soumission, il faut qu'elle soit volontaire. Il faut qu'elle soit motivée par l'amour. On est tous soumis ici à des autorités. Tu n'as pas le choix, puis c'est bien. Tu sais, on est soumis au gouvernement. On est soumis aux policiers, aux lois. La soumission, c'est important. Quand tu regardes ce qui se passe ailleurs, bien, c'est là que tu vois que l'autorité est mal utilisée. Puis là, ça fait des révolutions. C'est ça qui arrive. Quand il y a des gens quand il y a une révolution, c'est parce que les riches ou ceux qui dirigent abusent de ça. C'est ça le point. Puis moi, je dis toujours, le mariage, c'est comme une équipe. OK? Dans une équipe, tout le monde ne peut pas être capitaine. Est-ce que vous comprenez? Moi, j'ai joué au hockey assez longtemps. Puis quand le gars qui porte le C, c'est lui le capitaine. C'est tout. Y a-t-il une valeur plus grande? Non. Mais lui, il doit représenter les gens. généralement, le capitaine même, là, il doit être un modèle, généralement. Quand on dit, on donne le C à quelqu'un au hockey, c'est parce qu'il est un modèle. C'est parce qu'il performe. Il est engagé. Vous savez. Puis moi, des fois, là, j'aimerais mieux pas être le capitaine. Mais la Bible est claire. Je pense toujours à ce qui est arrivé dans le Jardin d'Éden. Tout le temps. Puis ça m'aide. Des fois, ça me... Tu sais, quand Ève et Adam, là, ils ont pris le fruit, là. Je vais vous dire, il n'a pas dit, Ève, où est-ce que t'es? Il a dit, qui cherchait? Adam. C'était lui le capitaine. C'était lui qui était responsable du jardin. Oui, accompagné de sa femme. Puis si vous regardez la création, c'était pour un aide. C'était pour un aide. C'est important de réaliser ça. Alors, si Dieu lui-même a cru qu'on avait besoin d'un aide, si toi, tu penses que tu es autonome, c'est pas vrai. Parce que Dieu, il a pas vu ça comme ça, là. Il a vu ça comme un aide. Mais nous, des fois, le danger, parce qu'on est pécheur, parce qu'on est méchant, on est égoïste, on prend ça pour notre servante. Fais ci, fais ça. Hey, t'as pas fait ça. Je t'avais dit. Non, ça marche pas comme ça, là. Non, non, non. Jésus est un modèle pour nous. Il dit, si vous voulez être le premier, c'est quoi? Soyez serviteur. Soyez serviteur. Tu sais? Puis, les madames aussi, souvent, je vous dis, soyez prudents aussi quand vous parlez de vos maris. OK? Autant l'homme que la femme. Parce que dites-vous une chose, c'est vous qui l'avez choisi, cet homme-là. Moi, quand les gens me disent, hey, moi, mon mari, là, c'est un bébé, ils me disent ça. Il est pas mal vieux, ton bébé, là, tu sais. Mais si Marie serait là, puis Marie, c'est elle qui m'a enseigné ça, alors elle dirait, puis c'est ça que je leur dis, arrête de jouer à mère. Parce que c'est vous qui l'avez enfantilisé. C'est vous. Vice-versa, j'ai fait un cours de préparation au mariage à un moment donné, puis je donne toujours la conclusion à la fin. J'ai dit, cette relation que vous êtes en train de former, ça va devenir parent. C'est que le monsieur va devenir ton papa. Toi, tu vas devenir sa fille. Laissez-moi m'expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique? Ça veut dire que lui va vouloir contrôler ça comme un père. Exemple, on va vous donner un exemple. Mes enfants me demandent la permission pour prendre l'auto. Puis c'est bien normal. Ma femme ne me demande pas de prendre la permission pour prendre l'auto. Est-ce que vous comprenez ça, la différence? La différence, c'est ça. La différence, c'est que c'est ma compagne. On forme une équipe. Elle ne me demande pas la permission. Hey, quand elle va magasiner, exemple, elle ne me demande pas de dire, « Hey, je peux-tu dépenser? » Je dis, « Mande-moi pas ça. Demande-moi comment j'ai en banque. Puis tu feras ce que tu voudras. » Mais c'est pas mon enfant. C'est ma femme. Hey, si tu n'es pas capable de donner ta carte de crédit à ta femme, il y a un problème. Puis moi, j'ai un problème avec Marie. Là, je n'ai pas dit ça, que je t'ai pas parlé d'elle le matin. Je dis à Marie, là, je veux là, que tu y ailles et tu dépenses. Elle revient. Elle n'a pas dépensé. Là, je suis frustré. Je t'ai dit d'acheter. Pas de suite. Bon, OK. Voyez-vous? C'est pas mieux. T'as l'autre qui dépense à tour de bras, puis t'as l'autre qui, là, il veut pas, tu sais, je dis, vas-y, là. Dépense-en des 25 cents, là. Tu sais, vas-y! Vas-y! Moi, je suis pas son père, là. Je fais juste te dire, gars, il y a 500$ en banque. Il y a 300$ pour l'échec, OK? Alors, il te reste 200. C'est ça que ça veut dire? Elle est libre. C'est ma compagne. S'il faut que je commence à avoir peur de dire, prends la carte ou vas-y, c'est à toi. C'est pas mon enfant. C'est pas mon enfant, c'est ma compagne. Moi, là, quand vous travaillez les uns avec les autres, là, vous laissez la liberté aux gens. Moi, quand je travaille avec Denis ou avec d'autres, on est homme à homme. adulte à adulte. Ben, c'est la même chose avec notre conjoint. On doit être adulte à adulte. C'est pas mon enfant, puis c'est pas ma mère. C'est ma compagne. C'est ça qui est important. C'est ça que les dames plus âgées, faut qu'elles soient capables d'enseigner ces choses-là. Au plus jeune. Merci. Quatrième exhortation, et celle-ci, c'est pour les jeunes hommes maintenant, les versets 6 et 8. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés et te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres, en donnant un enseignement peu digne et une parole saine et irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à nous dire. Encore une fois, une raison pourquoi il devra avoir une bonne conduite. Alors, les jeunes hommes sont appelés à être modérés. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est un des éléments les plus importants dans nos vies. D'être capable de gérer nos émotions, d'être capable de gérer nos impulsions, c'est d'être vraiment modéré. Alors, ce qui est très intéressant ici, il introduit Tite là, maintenant. Il dit, Tite, tu vas être un modèle pour ces jeunes gens-là. Puis probablement, quand il dit jeunes gens, il avait à peu près 40 ans. C'est nous autres, à 40 ans, on n'appelle plus ça jeunes gens, mais probablement qu'eux, ils devaient avoir à peu près une quarantaine d'années. Alors, Tite doit être un modèle. Concernant les bonnes œuvres, c'est intéressant. Les jeunes hommes doivent s'engager à faire les bonnes œuvres, qui sont motivés par la grâce de Dieu. Aussi, Tite est encouragé à enseigner. Alors, ce qui est très intéressant, il doit avoir trois qualités son enseignement. OK? De voir cela, c'est très important de réaliser cela. Trois qualités. Premièrement, qu'est-ce qu'il nous dit concernant son enseignement? Elle doit être pure de la doctrine. Alors, ce qu'il est en train de dire, c'est que c'est une doctrine qui n'est pas mélangée à d'autres éléments. OK? C'est une doctrine qui ne doit pas être mêlée à d'autres. C'est important de réaliser ça. Exemple. J'ai rencontré un gars qui parlait de l'enlèvement. Je ne sais pas si vous voyez ça là, sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup « Jésus revient » puis l'enlèvement puis tout ça. Puis lui, il me parle puis il dit « Tu sais, Noël, il faut que je te dise que ceux qui vont, les chrétiens qui vont être enlevés, là, c'est juste ceux qui sont obéissants. Ceux qui sont désobéissants, ils vont passer au travers des tribulations comme il faut qu'ils payent leur prix pour aller. » Je me suis dit « Même toi, tu ne passeras pas là. » Qui peut dire qu'il est obéissant à 100%? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, être obéissant? Alors, il introduit des faux éléments comme ça. Alors, Paul, il dit à Tite de ne pas faire ça. Il dit, ton enseignement doit être digne. Alors, ça, c'est important de réaliser ça. Et doit avoir, troisièmement, la parole saine. C'est le danger de présenter des nouveautés. J'ai eu un enseignant, à un moment donné, qui nous a dit, soyez prudents. Quand vous écoutez quelqu'un, puis qui vous dit, j'ai trouvé quelque chose de neuf. Et soyez prudents, parce que ça fait 2000 ans que les gens l'étudient, l'Évangile. Ça fait 2000 ans que tout a été dit à quelque part. Puis si quelqu'un vous dit, j'ai trouvé quelque chose, éloignez-vous de lui, parce que c'est très dangereux. OK? Alors, c'est la même. Puis je vous encourage, faites attention à Internet. Ah, il se dit des affaires-là. Là. Si tu n'as pas lu ta Bible, si tu ne connais pas ta Bible, là, c'est dangereux. C'est très dangereux. OK? Hey, tout le monde se dit docteur là-dedans. Hey, j'ai docteur de théologie, Joe Blow. C'est où que tu as pris ton permis? Où tu as pris? T'as-tu ton. Je l'ai pris dans une boîte de Crocrojack. Est-ce que vous comprenez cette expression-là pour nous? Hein, c'est ça que ça veut dire. Soyez prudents. Alors, son enseignement doit vraiment être. Puis, qu'est-ce qui est très intéressant? Ce qui m'intéresse, c'est la raison pourquoi. Il dit ceci: afin que. Oh, que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Alors, ce qu'il veut, c'est qu'il y ait un bon témoignage. Okay? Que les gens soient confus, honteux. S'ils disent des mauvaises choses contre les chrétiens, ben, que ça va être mal, que ça ne prendra pas racine à quelque part, puis que les gens se trompent. N'ayant aucun mal à nous dire. Maintenant, les esclaves. Ça paraît pas, là, mais il y avait beaucoup à dire. Esclaves, qu'est-ce qu'il nous dit? Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses et n'être point contradisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire, on a une raison encore, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Alors, si vous remarquez ici, les caractéristiques qu'il devrait avoir, c'est d'être soumis à toute chose. C'est de reconnaître une autorité supérieure à leur maître. À leur plaire. À être éveillé, à découvrir ce que leur maître aime. C'est pas juste, ah, ben là, c'est mon maître, je vais faire ce qu'il faut. Et dire, je peux faire quelque chose même au-delà de ce qu'il me demande. Ne pas être contredisant. Vous savez, ceux qui augmentent tout le temps contre les ordres de leur maître. Il y a des gens qui sont toujours en train d'argumenter ce que leur maître leur demande. Ne rien détourner, ce qui veut dire de voler. Vous avez l'exemple, on a vu Philémon, de ne pas voler, on ne prend rien. Et à faire preuve de bonne foi fidèle à son maître. La raison, c'est afin d'honorer la doctrine de Dieu Sauveur en toutes choses sur l'île de Crète. C'est intéressant. Et là, on pourrait faire des applications pour les employés, employeurs. Si tu es un employé, alors tu dois respecter ton employeur. Ceci, quand je dis du respect, ce n'est pas de parler mal de lui. Si tu as quelque chose à lui dire, passe au bureau, OK? Puis va lui dire. Mais ce n'est pas ça que les gens ils font. Ils s'en parlent entre eux. Alors ça, dans ce sens-là. Alors, un employé il doit être fidèle. Un employé doit vraiment être de plaire à son patron. À son patron, c'est important de réaliser cela. Pour terminer, la question est celle-ci ce matin, pour vous. La sainte doctrine, c'est une doctrine de santé. La santé suppose un heureux équilibre en toutes choses. Okay? Quand tu dis que tu es en santé physique, c'est parce que tu manges des fruits, des légumes, des éléments qui ont rapport avec le lait et toutes ces choses-là. Tu as un équilibre là-dedans. Okay? Alors, la question, est-ce que tu es équilibré ce matin? Est-ce que tu es en santé spirituelle? Nous, on a une tendance, je donne l'exemple ici, souvent on va insister sur un élément de la vie chrétienne. Mais ce n'est pas ça la vie chrétienne, c'est tout ce qu'il y a. Puis de prendre soin d'être capable d'être équilibré. Exemple, on peut bien parler du retour de Jésus, puis parler du retour de Jésus, puis en parler, puis c'est bien correct. Mais tu oublies de parler de ta marche chrétienne, tu oublies de parler de ta croissance, tu oublies de parler de ta diète, as-tu le temps de lire ta Bible? As-tu le temps de te nourrir? C'est ça être équilibré, vous savez, dans ce sens-là. Alors, en reconnaissant aussi notre place dans l'Église, il y a les hommes âgés, les personnes âgées, les jeunes femmes, les jeunes hommes, les esclaves. Hey, je pensais aux esclaves. Vous pensez là, que les esclaves, au temps de l'apôtre Paul, l'esclave, je me suis dit, il pouvait devenir ancien dans l'Église. Puis son maître, il devait se soumettre à lui. C'est quelque chose, ça. La même chose qu'un employé, un employeur. Tu pourrais être employé, puis tu es ancien à l'église ici, tu t'es réveillé, puis ton employeur doit se soumettre à toi. C'est quelque chose. C'est ça, c'est juste divin, là. Ça prend la grâce de Dieu pour arriver là. Alors, je termine avec 1 Timothée, chapitre 5. Tournez avec moi. 1 Timothée 5, puis je vous laisse aller. Voici maintenant comment est-ce qu'on devra avoir, quelle devrait être notre attitude les uns envers les autres. OK? Quelle devrait être notre attitude? 1 Timothée 5, 1. Il dit, ne réprimande pas rudement le vieillard. Alors, tu commences à être vieillard, c'est quand les gens commencent à te vouvoyer. Oui, tu n'es pas habitué à ça. Qu'est-ce qu'il dit? Exhorte-le comme un père. C'est intéressant. Deuxièmement, exhorte les jeunes gens comme des frères. Troisièmement, les femmes âgées comme des mères. Celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. On doit prendre soin des uns des autres. On est tous différents dans des groupes différents sociaux. Mais on doit chercher à s'aimer les uns les autres. Puis de ne pas être dur les uns envers les autres. De ne pas être dur. D'être poli, d'être gentil. C'est ça qu'on a besoin. Okay? Puis arriver là, bien, ça aide à développer l'unité dans l'Église. C'est important. Courbons-nous, s'il vous plaît, puis terminez par la prière. Seigneur, merci. Merci de ta parole. Merci de l'encouragement que tu nous as donné ce matin. Merci, Seigneur. Aide-nous à prendre soin des uns des autres. Merci pour la famille Gamache qui est avec nous, pour le camp des boulots. Protège-les, garde-les, encourage-les. Et Seigneur, cette semaine, qu'on puisse penser dans quel groupe on appartient et de quelle façon on doit se conduire. Alors, Seigneur, merci pour tout cela. Merci pour ce beau 7 novembre, l'an de grâce 2021. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Alors, merci de votre patience. Hein, on commence à voir une église là, que plusieurs éléments pour le dimanche matin. Alors, un beau dimanche pour chacun. Merci.